Pourquoi la Grande Muraille n'a pas sécurisé la Chine ? Donald Trump avait promis à ses électeurs que, s'il était élu président, il prolongerait de 1600 kilomètres les barrières édifiées à la frontière séparant les États-Unis du Mexique. 4 ans plus tard, seuls 83 kilomètres de murs avaient été construits et l'élection de Joe Biden stoppa net les chantiers. Cette actualité rappelle un fait essentiel de l'histoire de la Chine. Pendant plus de 1000 ans, en effet, les empereurs chinois ont cru que la construction d'une grande muraille leur permettrait d'empêcher les étrangers de pénétrer dans leur pays. La muraille de Chine, étendue sur une longueur dépassant les 6200 kilomètres, est la structure architecturale la plus importante jamais construite par l'être humain. La raison majeure qui explique l'intérêt multiséculaire que les souverains chinois ont accordé à ces fortifications tient aux relations conflictuelles que la Chine a entretenues avec les populations de Mongolie qui vivaient dans les steppes situées au nord de leur pays. Depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ, ces steppes étaient occupées par des pasteurs nomades qui multipliaient les incursions chez leurs puissants voisins pour compléter une alimentation à base de viande et de produits laitiers. C'est pour s'en protéger que le premier empereur chinois décida la construction d'une muraille défensive au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Preuve que cette première ligne de défense ne fut pas d'une grande utilité, au début du XIIIe siècle, Genghis Khan se lança dans de grandes campagnes militaires qui permirent aux Mongols d'envahir la Chine et de prendre le pouvoir. Les Mongols furent chassés par la dynastie des Ming, qui décida, en 1403, de transférer sa capitale de Nankin à Pékin. Comme cette ville était plus proche des steppes du Nord, les empereurs chinois décuplèrent leurs efforts pour mettre en place une frontière véritablement hermétique. C'est alors que débuta la première période de construction de la Grande Muraille qui dura jusqu'en 1435. Mais en 1449, l'armée chinoise fut à nouveau vaincue et l'empereur lui-même fut capturé par les Mongols. Malgré ces échecs, les empereurs Ming poursuivirent la construction de leur grande muraille jusqu'au XVIe siècle. Malheureusement pour eux, comme ils étaient obsédés par les Mongols, ils négligèrent leurs autres ennemis, notamment les Mandchous, un peuple nomade qui vivait au nord-est de la Chine. Ceux-ci traversèrent d'autant plus facilement la grande muraille que la garnison chinoise leur ouvrit le passage. Ils purent ainsi arriver jusqu'à Pékin et renverser les Ming en 1644. Cette histoire montre bien les illusions dans lesquelles s'enferment ceux qui détiennent le pouvoir d'État quand ils croient qu'une muraille aussi étendue soit-elle peut empêcher les peuples de communiquer entre eux. La porosité de la Grande Muraille résultait en grande partie des contacts multiples que les troupes chinoises avaient noués avec les nomades, notamment sur le plan commercial. Non seulement cette politique démentielle de fortification fut un échec militaire, mais ce fut aussi un incroyable drame humain, puisqu'on estime, mais les chiffres sont difficiles à établir, qu'environ 10 millions d'ouvriers sont morts pour construire cette Grande Muraille inutile.